ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On est toujours donc dans notre série de cours en guise d'explication du livre de Cheikh Al-Albani, Al-Allama Al-Muhaddith Nasir Sunna Bihaq Mohamed Nasir Dil Albani Rahimahullah Ta'ala. Explication faite par notre noble Cheikh Mohamed Ben Omar Bezmoul Hafidahullah Ta'ala. On est arrivé au chapitre concernant, donc c'est un nouveau chapitre, Ad'iyatul Istiftahi. Je sais que le chapitre ici est un peu long, donc on va tout lire d'abord la parole de Cheikh Al-Albani en arabe, puis ensuite tout en français, comme ça pour qu'on se consacre, Inch'Allah, à l'explication de Cheikh Bezmoul plus en détail. فقال المصنف رحمه الله ونعني بذلك شيخ الألباني رحمه الله تعالى أدعية الاستفتاح ثم كان عليه الصلاة والسلام يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك الموسي صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرد. Comme on va voir après que cette dua là, il la disait dans les prières quoi? Ce qu'on appelle le fard, c'est les cinq prières, les prières obligatoires quotidiennes. Ensuite, la deuxième, as-sigha thaniya, comme on va le voir, on va les appeler sigh mukhtalifa inshallah. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقوله في الفرد والنفل. الصيغة الثالثة مثله دون قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ويزيد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. الصيغة الرابعة مثله أيضا في إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهديني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقيني سيئ الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت. الصيغة الخامسة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم. الصيغة السادسة مثله ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا. الصيغة السابعة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح به رجل من الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الصيغة الثامنة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح به رجل آخر فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. الصيغة التاسعة: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، وعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كالأنواع الآتية. الصيغة العاشرة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الصيغة الحادي عشر: كان يكبر 10 ويحمد 10 ويسبح 10 ويهلل 10 ويستغفر 10 ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافيني وعافني 10 ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب 10 الصيغة الثاني عشر: الله أكبر 3 ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. Avec ça, on a fini donc la parole de Cheikh Al-Albani. Je vais tout traduire maintenant en français, la parole de Cheikh Al-Albani qui est le maître, et après on revoit ça en détail, Inch'Allah. Hein, comme ça, on ne perd pas le fil. Donc, c'était un nouveau chapitre, comme je l'ai dit au début du cours. L'auteur, Khalifas Miséricorde, et c'est Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit les invocations d'ouverture. Donc, pour les frères, peut-être qui n'ont pas le livre, qui se mettent peut-être à côté des frères qui ont le livre, ça leur facilitera, Inch'Allah. Hein, je sais que le livre ici, il n'est pas en français, mais à la koulihal, ça peut-être permettra de suivre. Et le titre, il a dit donc les invocations quoi d'ouverture. Puis le prophète, alayhi salatu wa salam, commençait la récitation par des invocations. Et c'est important aussi de situer ce cours, c'est aujourd'hui par rapport aux autres cours qu'on a fait avant. Hein? C'est dans la continuité. C'est quoi le dernier cours qu'on avait fait? C'était D'accord. Maintenant, hein, et avant on avait vu sur le tekbir, etc. D'accord. Donc maintenant on voit sur quoi? Eh bien, c'est qu'est-ce qu'on doit dire entre... Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement, parce qu'il y a une question qui va être posée après par Cheikh Bazmoul, c'est « Makan » هذا الدعاء. بس كون سي انتر لو تكبير تكبيرة الاحرام اي كوا اي قراءة الفاتحة. دونك فوي ابخي كيسكو فا فوغ ايفيدومون قراءة الفاتحة ايتترا ان شاء الله. Puis le prophète عليه الصلاة والسلام commençait la récitation par des invocations nombreuses et variées, dans lesquelles il proclamait la louange et la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'exaltait et faisait son éloge. Il a ordonné de le faire à la personne qui avait mal prié. C'est un hadith qui revient souvent, la personne qui avait mal prié. C'est comme ça que les ulama appellent ce hadith, hadith de la personne qui avait mal prié. Hein? Lorsqu'il lui a dit, la prière d'une personne n'est complète que lorsqu'il prononce le takbir, loue Allah, fait son éloge, puis récite ce qu'il peut du Coran. Il récitait parfois, alayhi salatu wasalam, l'une de ses invocations et parfois l'autre. Et on va voir tout ça en détail après, Inch'Allah. La première, donc il va rapporter combien, hein, pour les frères arabophones qui écoutent en arabe, on a dit combien? 12. 12 manières différentes de faire, et on va voir après. Est-ce qu'on les fait toutes? Est-ce qu'on en fait une? Est-ce que c'est wajib? Est-ce que c'est pas wajib? On va discuter tout ça en détail, Inch'Allah. Première des formulations, si vous voulez, c'est le terme d'ailleurs que Cheikh Bazmoul va utiliser après. Ô Seigneur, éloigne de moi mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. « Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés, comme on nettoie le vêtement blanc de sa saleté. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés avec la neige, l'eau et la grêle. » Il disait cela dans les prières obligatoires. D'accord ? Deuxième formulation, « Je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre, en pur monothéiste, et je ne suis point du nombre des polythéistes. En vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Nul associé avec lui. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des soumis. » Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, ça. le premier des soumis. Inch'Allah. Ô Seigneur, c'est toi le roi. Il n'y a point de divinité en dehors de toi. Tu es mon Seigneur et je suis ton adorateur. Je me suis fait du tort à moi-même et je reconnais mon péché. Pardonne-moi tous mes péchés, car personne ne pardonne les péchés sauf toi. Guide-moi, Seigneur, vers le meilleur comportement, car personne ne m'y conduit sauf toi. Et épargne-moi le mauvais comportement, car personne ne m'en épargne sauf toi. Me voilà, ô Allah, et à ton service, tout le bien est entre tes mains, et le mal ne peut provenir de toi. Je n'existe que par toi, et je retourne vers toi. Sois béni et élevé, je te demande pardon et je me repens à toi. Il disait cela, alayhi salatu wa salam, dans les prières obligatoires et surrogatoires. Troisième formulation. Si tu peux juste dire qu'il n'y a plus de sang sur Paltol, qu'on vient de m'envoyer un message. Si tu peux juste lui dire qu'il n'y a plus de sang sur Paltol. De la même manière, Afwan, sans la parole. Donc la troisième formulation, c'est de la même manière, sans la parole, tu es mon Seigneur et je suis ton adorateur. Et il ajoutait, alayhi salatu wa salam, ô Seigneur, tu es le roi, il n'y a point de divinité en dehors de toi, gloire et louange à toi. Quatrième formulation. De la même manière, jusqu'à la parole, et je suis le premier des soumis. Et on ajoute, ô Seigneur, guide-moi vers le meilleur comportement et vers les meilleures œuvres, car personne ne m'y guide sauf toi, et préserve-moi du mauvais comportement et des mauvaises œuvres, car personne ne m'en préserve sauf toi. Cinquième formulation. Gloire et pureté à toi. Pour les frères qui veulent les avoir en français, ils peuvent retourner à l'édition de Maktabat Ma'arif en français de Sifat Salah. Gloire et pureté à toi, ô Seigneur, et à toi la louange. Que ton nom soit béni, que ta majesté soit élevée, il n'y a point d'autre divinité en dehors de toi. Et il a dit, la parole la plus aimée d'Allah est que les serviteurs disent, gloire et pureté à toi, jusqu'à la fin de la vocation. Sixième formulation. De la même manière, et il ajoutait dans la prière nocturne, il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Et il disait ça donc trois fois. Allah est le plus grand, Allahu Akbar, trois fois. Septième formulation. Allah est le plus grand, la louange est à Allah, beaucoup. Gloire à Allah, matin et soir. Un homme parmi les compagnons a commencé sa prière en disant cela. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Cette parole m'a plu. Pour elle, les portes du ciel se sont ouvertes. Donc, huitième formulation. La louange est à Allah, une louange abondante, pure et bénie. Un autre homme a commencé sa prière, donc ça c'est plus l'invocation évidemment, un autre homme a commencé sa prière en disant cela, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai vu 12 anges, s'empresser pour savoir lequel d'entre eux éleverait cette parole au ciel. Neuvième formulation. Ô Seigneur, à toi la louange, tu es la lumière des cieux et de la terre, et de tous ceux qui s'y trouvent. À toi la louange, tu es celui qui administre les cieux et la terre et tous ceux qui s'y trouvent. À toi la louange et à toi la royauté des cieux et de la terre, de tous ceux qui s'y trouvent. À toi la louange, tu es vérité. Ta promesse est vérité. Ta parole est vérité. Ta rencontre est vérité. Le paradis est vérité. Ta rencontre est vérité. Le paradis est vérité. L'enfer est vérité. L'heure est vérité. Les prophètes sont vérité. Et Mohammed est vérité. Ô Seigneur, c'est à toi que je me suis soumis, en toi que je place ma confiance. Je crois en toi et vers toi je reviens en toutes choses. Pour toi je combats et par ta loi j'ai jugé. Tu es notre Seigneur et vers toi est le retour. Pardonne-moi donc mes péchés passés et futurs, ceux commis en secret et ceux commis en public. Regarde s'il enregistre. Et ceux que tu connais mieux que moi, c'est toi qui fais avancer et qui fais reculer. Tu es celui que j'adore, nulle divinité en dehors de toi. Et il n'y a de force et de puissance qu'en toi. Dans la prière nocturne, il disait, alayhi salatu wassalam, par exemple, ô Seigneur, maître de Djibril, de Mikaïl et de Israfil, créateur des cieux et de la terre, celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et le monde invisible, c'est toi qui jugera entre tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient. Guide-moi donc dans ce sur quoi on a divergé en matière de vérité, avec ta permission, car tu guides certainement qui tu veux vers le droit chemin. Onzième et avant-dernière formulation qu'on a citée ici, il prononçait « Allahu Akbar » 10 fois. « Alhamdulillah » 10 fois. « Subhanallah » 10 fois. « La ilaha illallah » 10 fois. « Astaghfirullah » 10 fois. Et il disait, alayhi salatu wassalam, « Ô Seigneur, pardonne-moi, guide-moi, accorde-moi ma subsistance et le salut 10 fois. » Et il disait, « Ô Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le chagrin le jour des comptes. » Il disait combien de fois ? 10 fois. 12e et dernière formulation citée ici, « Allah est le plus grand, donc Allahu Akbar 3 fois. Celui qui possède la royauté, l'omnipotence, la majesté et la magnificence. » Et on a donc fini ces 12 formulations-là. Maintenant, on a l'explication de Cheikh Bezmoul, hafidahullah ta'ala. Faqala Cheikhuna, hafidahullah ta'ala, fi hada al-fasli al-masailu al-taliya. Al-mas'alatu al-oula, ma mahalu du'a il-istiftah. Al-jawabu, mahalu du'a il-istiftah bayna takbirat al-ihrami wa qira'at al-fatiha. Bidalili ma ja'a an Abi Hurayra taqal, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaskutu بين التكبير وبين القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية. Et on va voir qu'est-ce que ce mot il va dire après dans l'explication sur l'Éthiopie. Et pour les frères Ani, qui veulent plus profondément dans la langue arabe, qui reviennent avec l'explication de Sahih Muslim sur l'Éthiopie, je vais donner la référence après, parce qu'il fait un long tafsir dans la langue arabe. Certains ulémas ont dit Hunayya, certains ulémas ont dit Hunayya. Annaoui il a dit Rahimullah que l'ham c'est un khata, le sawab c'est bilia. Hunayya, etc. Qui regarde un peu, et pourquoi c'est lié, pourquoi c'est le Hamza, et que c'est un tesghir, et de le tesghir c'est quoi, et c'est quoi le jam'a, al-asl, etc. Toutes ces choses-là qu'il faut un peu de base en langue arabe pour comprendre. Je ne vous ai pas rapporté ça pour faciliter. Mais les frères, comme je dis toujours, le talib ilm, il ne se suffit pas de ce qu'il entend dans le dars. Il retourne où ? Aux sources. D'accord ? Qala ahsibuhu qala hunayyatan. Faqultu bi ami wa ummi. Comme ici d'ailleurs, regardez, bi ami wa ummi ya Rasulallah. Ça, il faut comprendre ici. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression ? Bi abi wa ummi, un kalam muqaddar. Ya Rasulallah, iskatuka bayna at-takbir wal qira'ati ma taqul. Qala aqulu Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsil khatayaya bil ma'i wath-thalj wal barad. الحديث أخرج البخاري في كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يقول بين التكبير والقراءة. Donc Cheikh Bezmoul ici il nous dit حفظه الله تعالى qu'il préserve la récompense par le firdaus الأعلى. Il explique ce chapitre en disant il y a dans ce chapitre les points suivants, et on va voir qu'il y a 6 points inchallah tirés de ce chapitre. Premier point, quand récite-t-on l'invocation d'ouverture? La réponse: on récite l'invocation d'ouverture entre takbirat al-ihram. On expliquait c'était quoi takbirat al-ihram, c'était quoi? C'était le takbir par lequel on rentre dans la prière et par lequel certaines choses qui étaient halal avant deviennent haram dans la prière. C'est pour ça qu'on appelait takbirat al-ihram, comme le fait de manger, le fait de boire, le fait de parler. On avait expliqué ça dans notre livre, Surat Salah, avec l'expression de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidahullah ta'ala. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer concernant Cheikh Al-Abbad. Il a fini cette semaine Sunan Ibn Majah. J'ai entendu que depuis 25 ans, il avait commencé Sahih al-Bukhari et donc maintenant, il a fini les 6 livres de la Sunna. Regardez quelle patience. Et j'ai entendu qu'il avait très, les tollabs, qu'est-ce qu'ils disent, qu'il a très très rarement annulé ses cours. Et pendant 25 ans, semaine après semaine, hadith après hadith, il a fini les 6 livres de la Sunna. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Majah. Pour les frères qui veulent, je l'ai déjà dit, j'en ai pas mal d'entre eux, en tout cas j'ai quelques sunnahs complètes à la kulli hal. Donc on a dit quoi ici? Que c'est l'invocation d'ouverture entre takbirat al-ihram et la lecture de l'fatiha. Et pour preuve de cela, ce qui a été rapporté d'Abu Huraira, qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se taisait entre le takbir et la lecture, ce qu'il faut comprendre ici, du Coran. Il se taisait iskatatan. Ou il a dit, je pense qu'il a dit hunayyatan. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant hunayyatan? Cheikh Mohammed ibn Adam l'Ethiopie, dans son explication de Sahih Muslim, intitulée Al-Bahru al-Muhit al-Thajjaj, شرح صحيح مسلم ابن الحجاج volume 13 page 254 et suivante. Il dit سكت هنية. Hein, je vous dis باختصار parce que je vous ai pas ramené tout le tafsir qu'il a fait chez l'Éthiopie. أي ساعة لطيفة. Maintenant, pour les frères qui ont fait la langue arabe, est-ce que ساعة ça veut dire qu'une heure? Ça veut dire aussi quoi? Un moment, un instant. Hein? Donc ici, c'est quoi? C'est-à-dire un court moment. ساعة لطيفة. Il se taisait un court moment. والمراد بالسكوت هنا كما قال الشيخ الإثيوبي حفظه الله عدم القراءة جهرا وإلا فالسكوت الحقيقي ينافي القول فلا يتأتى السؤال بقوله ما تقول في سكوتك. أفاده السندي رحمه الله. شيخ محمد بن آدم الإثيوبي قال le préserve, il rapporte une chose très importante ici. Il dit quoi? Ce que veut dire ici se taisait? Parce que Abou Huraira, qu'est-ce qu'il a dit au prophète عليه الصلاة والسلام? Il a dit, hein, comme on va le voir après, que tu puisses vivre. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est le taqdir ici. Fidaka bi abi wa ummi. C'est ça l'expression ici. Hein? On va voir ça après, Inch'Allah. Je vous rapporte déjà ce qu'il dit sur l'Éthiopie ici. Il dit quoi? Il dit ce que veut dire se taiser ici. C'est le fait de ne pas lire à voix haute. Ça ne veut pas dire se taire complètement. Car le fait de se taire vraiment va à l'encontre de la parole. Or, qu'est-ce qu'il lui a dit Abu Huraira? Que dis-tu dans ton silence? Donc il a dit, car le fait de se taire vraiment va à l'encontre de la parole. Et alors la question, que lis-tu pendant ton silence, n'aurait aucun sens. Ceci est un bienfait donné par Cheikh Sindi, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Fin de citation de Cheikh l'Éthiopie. J'ai dit, et c'est qui parle ici? C'est-à-dire Abu Huraira, comme l'a dit Cheikh l'Éthiopie, puisses-tu vivre auprès de la vie de mon père et de ma mère? Bi abi wa ummi, ya Rasulallah. Hein? Que dis-tu dans ton silence entre le tekbir et la lecture? Ce que vous comprenez, la lecture du Coran. Il dit, je dis, ô Seigneur, éloigne, c'est le prophète Hassan qui répond évidemment ici, éloigne de moi mes péchés, comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés, comme on nettoie le vêtement blanc de sa saleté. Ô Seigneur, purifie-moi de mes péchés avec la neige, l'eau et la grêle. Et le hadith est rapporté par le Bukhari, livre de l'appel à la prière, Kitab al-Adhan, chapitre que dire après le takbir. Vous voyez, que dire quoi après le takbir? Numéro 744. Et on avait dit combien de fois que fiqh l'imam al-Bukhari fi tara. C'est quoi le pluriel de tarjama? Fi tara jumihi. Comme on avait dit, le fiqh de l'imam al-Bukhari, il est dans le titre du chapitre. Que dire après le takbir? Et c'est hadith numéro 744 dans Sahih al-Bukhari. Et Muslim, livre des mosquées, Kitab al-Masajid et de l'endroit de prière, chapitre que dire entre le takbir et l'arrestation. Vous voyez, hein? Que dire entre le takbir et l'arrestation. Hadith numéro 598. Petite faïda de l'oral arabia pour les frères. Allahumma. Cheikh al-Athimi, il dit sur le Kitab al-Tawhid. Allahumma. C'est le mime d'Allah ala al-jam'a. Ka'annaka tajma'u qalbaka ala al-du'a. C'est quoi? Allahumma. Al-mime, la lettre mime, dans la langue arabe, elle exprime le jam'a. C'est comme si tu regroupais ton cœur sur le du'a. Allahumma. Allahumma. Hein? D'accord? Deuxième point. Al-mas'alat al-thaniya. Ma hukmu du'a al-istiftah. Maintenant, on a vu quoi? Quand est-ce qu'on dit du'a al-istiftah? Maintenant, on voit quand son hukm, son jugement. Al-jawab. Zahiru ma warada fi hadith al-musi'i salatihi annahu ala al-wujub. Lianna al-rasoula sallallahu alayhi wa sallam amara bihi musi'a al-salah. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمنسي الصلاة كما في رواية لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن والذي يترجح عندي والضمير يعود إلى شيخ بزمول طبعا عندي يعني أي عند شيخ بزمول أن دعاء الاستفتاح من المستحبات وليس من الواجبات. والدليل على أنه من المستحبات عدة أمور منها ثم ذكر ذلك من عدة أوجه. Donc qu'est-ce qu'on dit ici par rapport à l'explication de Cheikh Bezmoul, حفظه الله تعالى. Deuxième point tiré de ce chapitre. Après avoir vu évidemment quel est l'endroit, quand est-ce qu'on dit cette doua de l'istiftah, on va voir pourquoi est-ce qu'on appelle doua, parce qu'il y a certaines formulations où on ne demande rien. Pourquoi est-ce qu'on appelle doua? On va voir ça après, Inch'Allah. Quel est le jugement concernant L'invocation du d'ouverture. Ma hukmu du'a l'istiftah. La réponse, le jawab. Ce qui est apparent de ce qui a été rapporté dans le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière, c'est l'obligation. C'est quoi, elle? Wujub. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné celui qui avait mal accompli ou fait sa prière. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, comme cela a été rapporté dans une version, la prière d'une personne n'est complète que lorsqu'il prononce le takbir. Loue Allah, fait son éloge, puis récite ce qu'il peut du Coran. Cheikh Bouzmouli dit, c'est-à-dire chez moi, c'est-à-dire Cheikh Bouzmoul, ce qui est l'avis le plus fort chez moi, ce que je vois le plus fort, c'est quoi? C'est que l'invocation d'ouverture fait partie des choses quoi? Préférables. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas wajiba, mustahabbat. Elles n'arrivent pas au degré de wajib. Et là, on avait rapporté dans l'usul qu'est-ce que c'était quoi la différence entre le mustahab et le wajib. Et la preuve que cela fait partie de mustahabbat, plusieurs choses. Il va montrer maintenant, de plusieurs manières, pourquoi chez lui, même si dahir le hadith, c'est le wujub, que lui, il voit que ce n'est pas le wujub, que c'est l'istihbab. Il va rapporter des nukul an salaf, etc. Première chose, on a dit quoi? والدليل على أنه من المستحبات عدة أمور منها الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد فيه صيغة معينة يلزم بها ولو كان واجبا لألزم بصيغة معينة في هذا الدعاء وقد لاحظتم في الأحاديث أن بعض الصيغ جاءت من عندي الصحابة استفتحوا بها الصلاة مثل صيغة الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله تحت البند 87 أن أحد الصحابة استفتح بقوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها فدل ذلك فدل ذلك أن الدعاء هذا متروك إلى المصلي يقول كيف ما شاء ولو كان واجبا لجاء تحديده من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنكر على الصحابي ابتداءه بهذه الصيغة الأمر الثاني الذي يدل على عدم الوجوب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه فقد جاء فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول بين تكبيرة الإحرام وبين الفاتحة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره أي إلى آخر الدعاء أقول يعني شيخ بزمون هو القائل هذا الحديث دليل على أنها غير واجبة فعلمه الصلاة عليه الصلاة والسلام ولم يكن مما علمه دعاء الاستفتاح فلو كان واجبا لوجب أن يتعلمه ابتداء عليكم السلام فلما لم يعلمه ابتداء دل على أنه ليس بواجب والدليل على أنه لم يتعلمه ابتداء أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن سكوته بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فلو كان يعلم رضي الله عنه أن هذا موضع دعاء الاستفتاح لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وجمهور أهل العلم على أن الدعاء الاستفتاح مستحب. Qu'est-ce qu'on a vu maintenant dans ce deuxième point qui, je pense, est assez important? Quel est le jugement concernant l'invocation d'ouverture? On avait dit quoi? Que c'était, que Cheikh y voyait que c'était l'istihbab. D'accord? Il montre ça de plusieurs manières. La preuve que cela fait partie de mustahabat, plusieurs choses. Parmi elles, première des manières, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifié une formulation que l'on se doit de dire. Et si c'était obligatoire, il aurait rendu à l'Islam sallallahu alayhi wa sallam une des formulations obligatoires, de manière spécifique. Et vous avez remarqué que dans les hadiths, certaines formulations viennent des compagnons. Comment est-ce qu'on voit ça? Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Que ça lui a plu. Qu'il a entendu un compagnon le dire et que ça lui a plu. Donc quoi que certaines formulations viennent des compagnons et qu'ils ont ouvert leur prière avec ces formulations. Comme la formulation de l'invocation que l'auteur a portée sous les points 7 et 8, qu'un des compagnons a ouvert sa prière en disant « La louange est à Allah, une louange abondante, pure et bénie. Le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit en entendant dire ça? J'ai vu 12 anges s'empresser pour savoir lequel d'entre eux élèverait cette parole au ciel. Ceci prouve que cette invocation est laissée au prieur, à celui qui prie. Il dit comme il veut. Si c'était obligatoire, eh bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait spécifié l'une des formulations. Et il aurait reproché aux compagnons d'ouvrir sa prière avec cette formulation. Vous voyez comment il a rapporté hein? Ça c'est quoi? C'est un délit que c'est l'istihbab et pas le wujub. Deuxième chose, deuxième manière de voir que c'est l'istihbab, qui indique que ce n'est pas obligatoire, c'est le hadith de Abu Huraira qu'on a cité, dans lequel Abu Huraira a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puisses-tu vivre au prix de la vie de mon père et de ma mère. Il y a plusieurs manières de traduire ça. Hein? Au prix de la rançon de mon père et de ma mère, si vous voulez. Ô messager d'Allah, que dis-tu entre le takbir et le fatiha? Il répondit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, je dis, ô Allah, éloigne de moi mes péchés comme tu as éloigné de l'Orient de l'Occident. Jusqu'à la fin de l'invocation. Cheikh Bezmoul, qu'est-ce qu'il dit? Je dis que ce hadith est une preuve que cela n'est pas obligatoire. Regardez comment il va amener la chose, Cheikh Bezmoul, hafidahullah. Il lui a appris la prière et n'en fait pas partie qu'il lui a appris l'invocation d'ouverture. Et si c'était obligatoire, il lui aurait été obligatoire de l'apprendre en premier lieu. Comme il ne l'a pas appris en premier lieu, le petit da'an, ceci indique que ce n'est pas obligatoire. Et la preuve qu'Abu Hurayra n'a pas appris ça en premier lieu, ben c'est quoi? Ben c'est qu'il a demandé, c'est qu'il a questionné. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur son silence entre takbirat l'ihram et la lecture de l'fatiha. Et s'il savait qu'à ce moment était le moment, que ce moment était le moment pour réciter l'invocation d'ouverture, du'a ou l'istiftah, il ne l'aurait pas demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La majorité des savants, le jumhur, ont l'avis que l'invocation d'ouverture est mustahabba, préférable, si vous voulez, quoi, non obligatoire. Troisième point. Al-mas'alatu thalitha. هل لدعاء الاستفتاح صيغة معينة؟ الجواب ليس لدعاء الاستفتاح صيغة معينة، إنما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة صيغ، وهذا من باب اختلاف التنوع. Ça c'est un point qui est très important de comprendre dans ce livre, dans tout le dîn en général. On a déjà rapporté ça. اختلاف تضاد، اختلاف تنوع. J'avais déjà expliqué c'est quoi. اختلاف تضاد c'est ou ça, y a pas les deux. Ikhtilaf tanawu', c'est la divergence des diversifications. Comme on avait dit quoi, teshahoudat. Il n'y a pas plusieurs manières de faire teshahoud. Hein? C'est ikhtilaf tanawu'. Une fois tu fais ça, une fois tu fais ça. Et la même chose qu'on va le voir ici de al-istiftah. Hein? Il y a plusieurs manières. Ici, on en a rapporté au moins 12. Donc c'est quoi? Ikhtilaf tanawu'. Tu diversifies. Et comme il va dire Cheikh Bezmoul plus loin, eh bien, il convient aux musulmans hein, de quoi? De faire une fois celle-là et une fois l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'il a utilisé le mot ikhtilaf tanawu'. C'est important de comprendre ça, qu'on ne croit pas que c'est une et que l'autre elle est mukhalifa à l'autre. Non, non, non. Hein? C'est qu'elles ont toutes été rapportées et que donc tu peux faire une fois l'une ou une fois l'autre. Et regardez la suite. فَالْكُلُّ مِمَّا وَرَدَ مَشْرُوعٌ وَمُسْتَحَبٌ وَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُنَوِّعَ بَيْنَ السِّيَغِ الْوَارِدَةِ فَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهَا شَيْئًا ذَكَرَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا أَمْكَنَهُ لكن عليه أن يحرص على حفظ بعد ما ورد إن أمكنه فإن أفضل ما يستفتح به أو يستفتح به المسلم عفوا بعد تكبيرة الإحرام ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله. Qu'est-ce qu'on voit donc dans ce troisième point ici? C'est une question encore une fois. Et ça fait partie de Hussein Ta'lim al-Sheikh qui reprend avec des questions-réponses. Hein? Et c'est une sunna. On avait déjà vu ça dans un des cours qu'on avait fait avec le hadith de quoi? Jibril, alayhi salam, très bien. Un autre hadith encore avant. Barakallahu fik. C'est quoi? Et c'était quoi? Barakallahu fik. Hein? Atadri mahaq. Ya Mu'ad, atadri mahaqullahi ala l'ibad. Le prophète Zahim a commencé par une question. La réponse, il n'y a pas une formulation. Donc la question c'était quoi? Y a-t-il une formulation spécifique à la vocation d'ouverture? Siratun, retenez-moi cela en arabe, siratun, bisad, siratun, pluriel, siyarun. Siratun, siyarun. صيغة معينة. دو المو تعيين معين. C'est un mot connu, spécifique, particulier. La réponse, il n'y a pas une formulation. C'est du verbe ta'ayyana yata'ayyanu. Il n'y a pas une formulation spécifique à l'invocation d'ouverture. Ce qui a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce sont diverses quoi ? Sir, formulations. Genre, si vous voulez. Et ceci fait partie de irtilaf al-tanawwu, la divergence de diversification. Tout ce qui a été rapporté est légiféré, c'est important de comprendre, est préférable. Et il incombe aux musulmans de changer parmi les différentes formulations rapportées. S'il n'en connaît rien, s'il n'en a mémorisé aucune, eh bien qu'il invoque Allah et fasse sa louange avec ce qu'il peut. Mais il se doit de désirer ardemment. Yahrisa. Harasa yahrisu hirsan. De mémoriser certaines des formulations rapportées. Si cela lui est possible, car le mieux avec quoi le musulman puisse ouvrir sa prière, c'est quoi après takbirat l'ihram, eh bien c'est ce qui a été rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces hadiths que l'auteur, c'est-à-dire Cheikh Al-Albani, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté. Quatrième point. Al-mas'alat al-rabi'a. هل يسن للمسلم أن يجمع أكثر من صيغة ويقولها في الصلاة الواحدة أو يقول كل صيغة أو يقول كل صيغة في صلاة والوارد أنه لا يقول أكثر من صيغة في الصلاة الواحدة فمن السنة عفوا أن يستفتح المسلم الصلاة بدعاء واحد من هذه الأدعية الواردة ولا يسن له أن يجمع أكثر من صيغة من صيغ الاستفتاح فإن جمع جاز ولكنه خلاف السنة المسلم المتبع للسنة إن شاء دعا بهذه الصيغة أو بالصيغة الأخرى أو بالصيغة الأخرى المهم أن لا يجمع أكثر من صيغة في الصلاة الواحدة والسنة أن ينوع مرة بهذه ومرة بهذا فإن لم يحفظ شيئا من هذا واستفتح بشيء من عنده من الدعاء والحمد والثناء لله je crois qu'il y a une erreur ici ils ont mis une hamza والثناء لله سبح جاز قال في نزل الأبرار صفحة 80 قال النووي رحمه الله هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه فيستحب الجمع بينها كلها on va voir que on va voir l'imam Nawawi ici il dit quoi يستحب الجمع qu'est-ce qu'on a dit nous là يكتفي بصيغة واحدة و سوف نرى أن الشيخ صديق حسن خان فيما يعني يأتي إن شاء الله أنه يعني رد عليه في هذه المسألة الإمام النووي رحمه الله قال هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه فيستحب الجمع بينها كلها وحسن اقتصاره على وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين قال يعني أي نووي رحمه الله وهذا الدعاء سنة ليس بواجب والسنة فيها الإصرار والأصح أنه لا يستحب في صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى قلت أي صديق حسن خان vous avez dit c'était qui صديق حسن خان c'est un grand savant indien رحمه الله qui a vécu plus de 300 ans plus ou moins 300 ans لا حاجة إلى الجمع بين التوجهات بل يأتي بهذه تارة وبذلك أخرى والاستحباب regardez cette فائدة ici والاستحباب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل ولا دليل على ذلك والأولى اختيار الأصح منها والله أعلم انتهى كلام صديق حسن خان رحمه الله تعالى donc dans ce quatrième point qu'est-ce que Cheikh Bazmoul nous dit question encore est-il une sunna pour le musulman de regrouper plusieurs formulations et de les dire dans une seule prière ou de dire une formulation pour chaque prière ce qui a été rapporté c'est qu'ils ne disent pas plus d'une formulation dans une seule prière la sunna est donc que le musulman ouvre sa prière avec une seule de ses formulations, de l'invocation qui ont été rapportées. Et ce n'est pas une sunna pour lui d'ouvrir sa prière avec plus d'une formulation de cette invocation d'ouverture. S'il le fait, jaz, c'est autorisé, mais ce n'est pas la sunna, khilaf sunna. Le musulman qui suit la sunna, regardez ce que dit Cheikh Bazmoul, le musulman, al-muttabi' al-sunna, qui suit la sunna, invoque s'il le veut avec telle ou telle formulation. Ce qui est important, c'est qu'il ne regroupe pas plus d'une formulation dans la même prière. Et la sunna, c'est de diversifier. Yunawwi'a. Une fois celle-ci, une autre fois celle-là. Sinon, même au risque qu'il n'en connaît aucune, qu'il ouvre sa prière avec une invocation de sa part. Et la louange et l'éloge et l'exaltation d'Allah. Cela est autorisé. Il a été rapporté dans Nuzul al-Abrar, page 80. L'imam Nawawi rahimahullah a dit, eh bien, c'est ce qui a été rapporté comme invocation pour at-tawajjuhat, wajjahat, wajhi. Et il est préférable de toutes les regrouper. Regardez Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit. On va voir qu'est-ce que c'est. Il va dire après, non, il ne faut pas les regrouper. Il est bon, et il est bon de se limiter à, je tourne mon visage, la dua qu'on a vue juste avant, jusqu'à ce qu'il dise, et je suis le premier des soumis. Il dit, cette invocation est une sunna et n'est pas obligatoire. Et la sunna, c'est de la dire à voix basse. Et Israr, c'est le contraire de quoi de... Hein? Et ouais, quoi? Al-Jahr. Hein? Al-Jahr. Et l'avis le plus juste, c'est que ce n'est pas préférable de la lire lors de la prière, quoi? Funéraire al-Janaza. Car elle est basée sur l'allègement. Fin de citation. De qui? De l'imam Nawawi rahimahullah. Je dis. C'est qui parle maintenant? C'est Diq Hassan Khan rahimahullah ta'ala. Il n'y a aucun besoin de regrouper entre les différentes formulations. Mais de plus, il récite des fois celle-ci et des fois celle-là. Et elle est istihbab. Pourquoi? Parce que l'imam Nawawi l'a dit, wa yustahabu. Hein? Il a dit, na'am, wa yustahabu al-jam'u baynaha kulliha. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Ça, c'est une faïda importante à comprendre, les frères. Il a dit, al-istihbab, ce qui est préférable, c'est un jugement légiféré. C'est-à-dire, l'imam Nawawi, c'est un grand savant. Mais l'istihbab, c'est un jugement légiféré. Il faut donc quoi? Un dalil. Il faut un dalil. L'istihbab, ce qui est préférable, est un jugement légiféré que l'on ne peut établir qu'avec une preuve, un dalil. Or, il n'y a aucune preuve ici. Hein, de dire que quoi que, hein, que c'est mustahab de faire le jam'a entre elles, d'accord? Et ce qui est mieux, c'est de choisir la formulation la plus authentique. Et Allah est le plus savant. Fin de citation de Siddiq Hassan Khan, rahimahullah ta'ala. Cinquième point, et celui-là est un peu long, je demande un peu de patience, inshallah. On a presque fini de toute façon. Al-mas'alatul khamisa. Je lis tout en arabe, d'accord? Et après, on lit tout en français. Alaykoum salam. كيف يسمى هذا الدعاء بدعاء الاستفتاح ومنه صيغ ليس فيها فيه طلب je crois qu'ici il y a une erreur également hein ومنه صيغ ليس فيها طلب c'est ça que je dirais ici à la كل حال ادعية الاستفتاح منه encore une fois ici منه منها hein Moi, je dirais ici, Adiyatul Istiftah, Minha, Ma Fiha, la preuve Ma Fiha, Mas'alatun, Wa Talabun Lillah Azza wa Jal, Wa Minha, Siyagun Takhlu, Anil Mas'alati, Wa Talab, Mithlu Sirati, Allati Waradat, Antakula, Subhanak Allahumma, Wa Bihamdik, Wa Tabaraka Smuka, Wa Ta'ala Jadduka, Wa La Ilaha, Ghayruka, Wa Minha, Allahu Akbar Kabira, Wa Alhamdulillahi Kathira, Wa Subhanallahi Bukratan Wa Asila, Wa Minha, Alhamdulillahi Hamdan Kathiran Tayyiban, مباركا فيه أقول يعني أي القائل شيخ بزمول حفظه الله تعالى هذه الصيغ ليس فيها مسألة وطلب فكيف تسمى الدعاء استفتاح الجواب أن تعرف أيها المسلم أن الدعاء اسم شرعي يطلق على نوعين النوع الأول دعاء المسألة والطلب أن تقول مثلا رب اغفر لي رب ارحمني رب باعد بيني وبين خطاياي ونحو ذلك النوع الثاني دعاء تعظيم لله وتمجيد وتنزيه مثلا دعوة يونس عليه السلام ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أخرجه الترمذي إلى أن قال حسنه الألباني في صحيح الجامع صحيح الترمذي وابن ماجه. فهذه الدعوة لا إله إلا الله الحمد لله ليس فيها مسألة ولا طلب، إنما فيها تبجيل وتعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى. فهذه سميت في الشرع دعاء لأنها تعظيم وثناء على الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول الدعاء نوعان: دعاء مسألة وطلب، ودعاء تمجيد وتعظيم. فإذا علمنا هذا فتسمية هذا الدعاء بدعاء الاستفتاح تسمية صحيحة. فمن هذا الدعاء الذي تستفتح به الصلاة ما هو من جنس دعاء المسألة والطلب، نحو الصيغة التي وردت: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ومنه ما هو دعاء تعظيم وثناء لله عز وجل، نحو ما جاء في الصيغ الأخرى والتي أشرت إلى بعضها قبل قليل، مثل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وسبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومثل قوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ومثل اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخره. 5e point tiré de ce chapitre. Comment cette invocation est Hein, si vous voulez que c'est simplement parce qu'il faut connaître la définition de dua, et tu vas voir que ces invocations-là, elles rentrent dans le dua. La réponse, c'est que tu saches aux musulmans que le mot dua est un mot légiféré. Hein? Que l'on utilise pour deux genres. Je rappelle la nasiha qu'on avait donnée lors de la dora, les frères qui sentent que c'est un peu somnolent, qui bougent de place. Et que l'on utilise pour deux genres. Le premier, dua ou mas'ala ou talab. L'invocation de demande et d'affaires. Que tu dises par exemple, mon Seigneur, pardonne-moi. Mon Seigneur, fais-moi miséricorde. Mon Seigneur, éloigne-moi de mes péchés, etc. D'accord ? Le deuxième genre de dua, bien c'est un dua d'exaltation d'Allah, et de louange, ta'zim wa tamjid, et de glorification. Comme par exemple la dua, l'invocation de Yunus alayhi salam, Dhunnun. La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Et la meilleure des invocations le jour de Arafah, La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. D'après Jabir ibn Abdillah, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le meilleur du dhikr, c'est La ilaha illa Allah. Et la meilleure des dua, c'est Alhamdulillah. Regardez, écoutez bien ça. La meilleure des dua, c'est quoi? Alhamdulillah. Le début, il a dit, écoutez, hein, le meilleur du dhikr, c'est la ilaha illallah, wahdahu la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Et regardez après. Regardez le hadith de Jabir ibn Abdillah. La meilleure du dhikr, c'est quoi? La ilaha illallah. Et le meilleur des dua, alhamdulillah. C'est une preuve que quoi? Qu'alhamdulillah, c'est dua. Est-ce que c'est un talab? Non. Vous comprenez ou pas? C'est louange à Allah Azza wa Jal. Et pourtant, le prophète Azza wa Jal, il l'a appelé. Et c'est un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi, numéro 3383, et Ibn Majah, 3800. Abu Isa, c'est qui Abu Isa? Tirmidhi, rahimahullah, a dit: ce hadith est hasanun gharib. Et Cheikh l'Albani, il a jugé hasan dans Sahih al-Jami', Sahih Tirmidhi et Ibn Majah. Cette da'wa donc, la ilaha illallah, regardez cette da'wa, cette dua. Cette da'wa, la ilaha illallah, alhamdulillah, il n'y a pas de demande, ni de mas'ala, comme on a dit, il n'y a pas de demande. Il y a une exaltation, une glorification des louanges à Allah Azza wa Jal. Elle a été appelée dans la législation islamique comment? Dua. Car c'est une glorification, une exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là-dessus, nous disons donc, c'est Cheikh Bazmoul qui parle, la dua est de deux types, dua ou mas'ala, et talab, et dua tamjid wa ta'zim. Si nous savons cela, nous savons donc qu'appeler les invocations d'ouverture, invocation, est une appellation correcte. Il y a parmi les invocations d'ouverture de la manière, de la prière, pardon, certaines formulations qui font partie du genre de dua, at-talab wal-mas'ala. et d'autres qui sont de l'autre genre. Comme par exemple, comme la formulation rapportée qui dit « Oh mon Seigneur, éloigne-moi de mes péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. » C'est quoi ici? C'est une demande, talab wa mas'ala. Et il y en a d'autres des formulations qui sont du genre de dua at-ta'zim wa thana 'ala Allah, comme ce qui a été rapporté dans les autres formulations, comme je l'ai indiqué il y a peu. Comme la louange est à Allah, une louange abondante, pure et bénie. Et pureté à toi, ô Seigneur, et à toi la louange. Que ton nom soit béni, que ta majesté soit élevée, il n'y a pas d'autre divinité en dehors de toi. Et aussi, Allah est le plus grand. La louange est à Allah beaucoup, gloire à Allah matin et soir. Et aussi, ô Allah, toutes les louanges t'appartiennent, tu es le supporteur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Toutes les louanges t'appartiennent, tu es le maître des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve jusqu'à la fin de la vocation. Sixième point, on terminera avec ce point-là, Inch'Allah. Al-Mas'alatu al-Sadisa. Pour les frères qui ont l'édition en arabe ici, on ne la voit pas bien parce qu'ils n'ont pas souligné, ils n'ont pas mis dans la même couleur que les autres. C'est page 178, 178. Vous la voyez ou pas? Hein? Al-Mas'alatu al-Sadisa. ما معنى قوله في بعض هذه السياق أن أنا أول المسلمين؟ فقد جاء في بعض السياق أنك تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الجواب معنى قوله وأنا أول المسلمين أي اللهم أنا أول من يبادر لامتثال أمرك إذا ما علمت أمرك وإذا ما بلغني أمرك فإني أمتثله وأبادر إلى طاعتك سبحانك. والرواية التي فيها من أول المسلمين ici je vois pas pourquoi il dit من أول المسلمين moi je dirais quoi أنا أول المسلمين. رجح المصنف أنه من تصرف بعض الرواة. انتهى كلام الشيخ بزمول. Sixième point, le dernier point tiré de ce chapitre. Quel est le sens de sa parole dans certaines formulations? Et je suis le premier des soumis. Wa ana awwalul muslimin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il est rapporté dans certaines formulations que tu dis, je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre en pur monothéiste. Et je ne suis point du nombre... J'ai dit quoi en pur monothéiste, hein? Et je ne suis point du nombre des polythéistes. En vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Nul associé avec lui, voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des soumis. Wa ana awwalul muslimin. La réponse, le jawab, le sens de sa parole, ma'na qawlihi, wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier des soumis, c'est-à-dire, oh Allah, je suis le premier à me hâter, wa ana awwalu man yubadiru ila imtithali amrika, d'appliquer ton ordre. Donc je suis le premier à me hâter d'appliquer ton ordre lorsque ton ordre me parvient. Lorsque j'ai eu science de ton ordre. Je le mets en application et je me hâte vers ton obéissance, gloire à toi. Et la version où il y a, et je suis le premier des soumis, regardez ce que Cheikh Al-Albani dit. Parce qu'il dit l'auteur, dit, c'est qui l'auteur? Cheikh Al-Albani, rahmallah. Il a rendu la ville plus forte que cette partie-là. Eh bien, ça vient des rapporteurs du hadith. D'accord? Il a dit quoi? Il a rendu la ville plus forte comme étant celui que cette parole, vient de certains rapporteurs de ce hadith. Fin du cours. Wallahu alam wa subhanaka allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. On se voit mardi, inshallah, 7h45. Pour...